Prenez qu'en plus, Renault vous offre jusqu'à 5500 euros en plus de la valeur de reprise de votre véhicule pour l'achat d'un véhicule neuf. Jusqu'à 5 500 euros en plus de la valeur de reprise pour l'achat d'un Renault Espace 9 du 1er novembre au 31 décembre 2018, estimation finalisée en concession. Offre non cumulable réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Tiens, encore un texto de maman pour me dire qu'elle a bien reçu les photos de Zoé. Génial! Depuis qu'on leur a offert un smartphone Doro, mes parents sont hyper connectés. Avec son interface simple et intuitive, Doro, c'est la bonne idée cadeau pour garder le contact en famille. Retrouvez toute la gamme des smartphones Doro sur Doro.fr. Intermarché vous propose d'écouter 3,78€. Jusqu'au 18 novembre chez Intermarché, le pack de 2 fois 500 ml de gel douche Sanex est à moins 40%, soit 3,78€. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 3,78€ le litre. Modalité et magasin participants sur intermarché.com. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. Leurs enfants après eux, on va faire la liaison. Bon. C'est le titre du prix Goncourt depuis hier. Dans quelle région se déroule ce roman ? Ça se passe en Lorraine. Voilà, vous nous avez appelé au 3210, vous avez gagné le Goncourt et maintenant vous n'avez plus qu'à écouter Julien Courbet. Ok, un jour aura le Goncourt. Hein. Je ne sais pas vraiment, je ne vous sens pas parti pour. Bah écoutez, en tout cas merci, ça me donne envie de faire l'émission, la pleine bonne humeur, vous me mettez en confiance, c'est formidable. Mais ça n'a rien à voir. Dites carrément demain, on va retrouver maintenant l'autre crétin de Courbet et on gagnera du temps, bon, monsieur Calvi. On va retrouver l'autre crétin de Courbet. Voilà, allez. Merci beaucoup. Eh bien, on va démarrer. Bonne journée, mon Yves. Je me mets à la place de celui qui a allumé la radio juste à ce moment-là. Oui, ça. Et non, ça a bien changé, RTL. C'est horrible. Et hein. Tout à l'heure, ce sera l'autre couillon de Stéphane Bern à partir de 11h. Quel abruti, celui-là. Bonne émission. Bonne émission. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. On attaque tout de suite avec l'émission du jour. Stéphane nous dit ceci. Écoutez bien. Je vous appelle du Var. Une compagnie aérienne a commis l'erreur sur mon billet électronique. Mon vol atterrissait 15 minutes après celui de la correspondance. J'ai donc dû me loger et me nourrir sur place pendant 3 jours. On devait m'indemniser depuis mai dernier. Et je n'ai toujours rien reçu. 20 ans d'émission, c'est un cas unique, Bernard Sabat. Ah, mieux que ça, 34 ans que je suis dans le tourisme, je n'ai jamais vu ça. Alors écoutez bien, ça sera tout à l'heure. Cas numéro 2, Géraldine. Je vous appelle de Loire-Atlantique. Sur l'annonce de l'agence de la maison, elle était en bon état et habitable immédiatement. Je l'ai donc achetée en toute confiance. Malheureusement, un mois plus tard, la maison prend l'eau de partout. Il faut que je refasse la charpente et le toit terrasse et il y en a pour 30 000 euros. Et puis nous revenons sur le cas d'hier, le cas PV. Je vous appelle du Bas-Rhin. Je suis victime d'usurpation de plaques d'immatriculation. On me réclame 960 euros et on me menace de saisie sur salaire pour des infractions commises à 500 km de chez moi. Pour régler tous ces problèmes autour de moi, il y a la Dream Team, la grande avocate pénaliste, la meilleure, Maître Novakovic. Bonjour, bonjour Julien, bonjour à tous. Il y a Maître Félonneau. Bonjour à Bernard tous. Bernard Sabat et Hervé Pouchol sont là. Bonjour, bonjour. Voilà. Et puis toutes les équipes d'Alain Hazard, Charlotte, JB, Céline, Xavier Kassovitch réalise. Vous écoutez le 9h30, 11h. À n'importe quel moment, vous pouvez nous joindre en direct au 3210. 50 centimes d'euros la minute. Ou si vous préférez la gratuité, Facebook, la page, ça peut vous arriver, ou encore RTL.fr. Hier, un véritable péplum avec Caroline, Maître Félonneau, et cette histoire de PV en deux mots. Alors, Caroline a vendu, circule en voiture, elle a une plaque d'immatriculation provisoire, puis après, elle a immatriculé son véhicule avec une plaque définitive, et figurez-vous que sa plaque provisoire, eh bien, le même numéro est utilisé par quelqu'un qui a des PV à répétition, et elle ne peut rien faire, elle a son compte bancaire maintenant saisi. Nous avons hier tenté d'appeler la société d'assistance et de gestion de stationnement, dans un premier temps, on nous a raccroché au nez, mais je pense que la dame pensait que c'était une blague. Nous avons eu ensuite un autre service. Nous avons essayé d'appeler le maire que nous avions interpellé. Le directeur monsieur de cabinet. Du PC. Est-ce qu'on nous a rappelé dans l'après-midi la mairie ? Alors le directeur de cabinet ne m'a pas rappelé, mais en revanche, il a passé la commission au président de la société d'assistance et de gestion du stationnement d'Annemasse. Qui est avec nous, je crois, c'est monsieur Jean-Laurent Dirks. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu en direct sur la radio RTL. Nous vous écoutons. Comment peut-on sortir cette pauvre Caroline qui est là? Bonjour Caroline. Bonjour Caroline. Oui, bonjour, pardon. Il faut mal parler aux gens pour qu'ils disent bonjour, c'est une nouveauté maintenant. Excusez-moi, je suis un peu dans mon bureau aussi. Je vous en prie. Allez, mais on écoute Monsieur Dirks qui va peut-être nous dire comment on peut sortir de là. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Donc, tout d'abord, hein, j'ai écouté l'émission d'hier, enfin que j'ai pris en cours lorsque on en a parlé, je l'ai écouté en replay. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est important de rappeler aux auditeurs, enfin en tous les cas de leur indiquer, c'est que le contexte de Madame Muller est vraiment un contexte très particulier, qui n'est pas une généralité, hein, je tiens à le préciser, à savoir que le cas est le suivant, c'est-à-dire que à Annemasse, les FPS sont apposés sur le pare-brise du véhicule. Il y a deux possibilités, le FPS peut être soit posé sur le pare-brise, soit envoyé à domicile. Annemasse, il est apposé sur le pare-brise. Ce qui veut donc dire que les FPS ont été émis sur le pare-brise du véhicule de la personne qui usurpait la plaque de Madame Muller. Autrement dit, Madame Muller n'a pas pu faire de recours, le premier recours qui peut être fait, qui s'appelle le RAPO, qui se fait dans le mois suivant l'émission du FPS, qui est un recours gratuit. Madame Muller n'a pas pu faire ce recours, puisqu'elle n'avait pas connaissance des FPS. Ce qui veut elle dire, a monsieur... eu connaissance des... Oui. Juste, monsieur Dirks, on est bien d'accord pour dire, mais ne voyez pas le mal, hein. Simplement pour qu'on essaie de comprendre que ce système n'est pas bon, puisque si il suffit de poser sur le pare-brise et que n'importe qui l'enlève, et qu'on ne puisse pas faire recours et qu'on se retrouve bloqué dans cette machine après, c'est qu'il faut changer de système. Non, le système, si vous voulez, permet, et la loi autorise, soit à émettre le FPS sur le pare-brise. Le cas Annemasse a été fait tout simplement parce qu'il y a une possibilité de payer son FPS dans un délai très court, ce qui s'appelle le FPS minoré. Et de fait, c'est une facilité donnée aux usagers pour pouvoir avoir un tarif réduit s'ils, de bonne foi, ils veulent pouvoir payer leur FPS rapidement. D'accord, monsieur, mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que si un gamin s'amuse à ramasser, comme ils le font, tous les FPS sur les voitures comme ça et à les mettre dans une poubelle, qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là? Ils vont se prendre l'amende directement. Alors, ensuite... Mais dites-moi, oui ou non si, évidemment, le FPS est enlevé du pare-brise, je suis d'accord avec vous, comme c'était le cas auparavant avec un PV de stationnement imposé sur un... Oui, qui était un mauvais système aussi, bien sûr. Exactement le même. Hein. À partir du moment où vous avez un PV sur un pare-brise, en effet, quelqu'un peut le retirer. Dans le cas précis, heureusement, c'est pas une généralité, on a très peu de cas comme celui-ci, mais le cas de Madame Muller, elle a eu connaissance des FPS lorsqu'ils ont été majorés, lorsqu'ils ont été envoyés par l'agence de l'État qui s'appelle l'Entaille, et à ce moment-là, en effet, nous n'avons plus, nous, au niveau des SAGS, la possibilité d'annuler les FPS, la seule possibilité de passer par la CCSP, et la CCSP, en effet, exige le paiement des FPS avant. Ben oui. Je tiens à préciser d'ailleurs que lorsque Madame Muller nous a contactés, nous avons immédiatement regardé dans notre base de données, il n'y avait pas 12 FPS mais 21, et nous avons annulé tous les FPS qui n'avaient pas encore été envoyés d'accord. à l'entaille pour majoration. Ça monsieur, on l'a bien compris le système, et d'ailleurs on a expliqué hier aussi que, heureusement pour elle, peut-être qu'elle a les moyens d'avancer sans être le couteau sous la gorge, mais mettez-vous à la place, et vous savez qu'il y a des gens qui vivent avec 700 euros par mois, qui ont donc un petit bout de papier sur le pare-brise, le papier disparaît parce qu'un abruti l'a pris, on vient leur prendre, ils se retrouvent dans une situation mais juste incroyable, c'est-à-dire interdit bancaire, la totale, alors qu'ils n'ont rien fait, que c'est pas leur voiture. Peu importe, le système est ainsi fait. Maintenant, comment Caroline se sort de cette situation, monsieur, alors, s'il vous plaît? Aujourd'hui, et c'est ce que vous a dit hier ma collaboratrice, et ce qui est la loi, la seule possibilité pour Madame Muller, en effet, et c'est ce qu'il faut absolument faire, c'est saisir la CCSP pour procéder à l'annulation des FPS. Alors, je suis conscient, on en est bien d'accord, que pour faire cette saisie, il faut payer les FPS. Et donc, je vais vous dire, moi, ce que je vais vous proposer, Madame Muller, qui est une exception, évidemment, parce que je ne vais pas faire ça à chaque fois, c'est que, au vu de vos situations, au vu du cas très particulier et du montant, nous vous allons vous avancer l'argent qui va vous permettre de faire ce recours, et je le fais même personnellement, parce que c'est même pas au niveau de la société que je peux le faire. Moi, je vais vous avancer l'argent qui va vous permettre de faire ces recours. Mais il faut absolument faire ces recours, parce qu'autrement, en effet, l'administration ne s'arrêtera pas, et c'est bon, je dirais, logique. Mais donc nous, aujourd'hui, voilà ce que nous allons faire, c'est-à-dire que moi, je vais prendre contact avec Mme Muller, lui avancer la somme qui lui permettra de faire ce recours. On ne peut pas annuler les FPS sans avoir une décision juridique, et heureusement, parce qu'autrement nous serions dans un système dans lequel n'importe qui pourrait annuler un titre. Mais monsieur voilà, Dirks, j'ai bien entendu, je vous remercie de faire ça pour cette auditrice. Vous avez entendu, Caroline ? Oui, oui, j'ai entendu. Mais j'ai quand même une question, parce que cette personne, elle continue à circuler avec ma plaque. Lundi, on m'a confirmé au niveau de la préfecture que cette plaque me restera attribuée et affectée. Est-ce que maintenant, c'est enregistré que dès qu'il y a un procès-verbal qui arrive avec ce numéro, vous intervenez dès le début pour que je me retrouve pas dans une situation similaire d'ici deux mois? Moi, Madame Muller, nous, ce qui est certain, c'est que lorsque j'ai regardé au niveau des FPS, le dernier FPS qui a été établi sur ce véhicule, il date du 16 août, d'accord ? Oui. Depuis le 16 août, il n'y en a plus eu d'autres. On est vigilant parce que on connaît maintenant évidemment le véhicule, il se gare toujours au même endroit. A priori, mm-hmm. ce véhicule n'a pas été redétecté par nos services. Caroline. Mais il y a un vrai, il y avait un vrai travail de police qui est à faire au à l'encontre de cette personne qui usurpe votre plaque. Enfin, le premier principe, il est là. Hein. Monsieur Diers, comme malheureusement, je n'ai pas énormément de temps parce que j'ai beaucoup d'autres cas, je tiens à vous remercier de nous avoir parlé aussi rapidement. Vous remercier d'aider Caroline. Caroline, monsieur va vous parler en antenne maintenant. Il va vous parler. Ça va vous permettre, malheureusement, vous aurez des tas de démarches à faire, bien que vous n'ayez rien fait. Et nous allons essayer d'avancer comme ça, en espérant qu'en haut lieu, les politiques qui nous écoutent peut-être prendront conscience que ce système est complètement aberrant, car en conclusion, vous n'avez pas d'argent, vous êtes garé, vous avez un bout de papier qui vous est mis sur le pare-brise. Ce papier disparaît parce qu'il peut disparaître pour 2000 raisons. Vous allez être obligé de payer, vous n'avez pas d'argent, vous serez interdit bancaire. Et si vous n'avez pas quelqu'un qui, comme ce monsieur, dit « je vais avancer l'argent », excusez-moi, mais vous êtes dans une situation où nous-mêmes, nous ne pourrons pas vous sortir. C'est n'importe quoi. C'est pas la démarche. Voilà. Je précise d'ailleurs, puisque hier, il était fait un petit peu le procès des sociétés privées, que... Non, mais non. En tant que société privée... Monsieur, je n'ai jamais fait le procès des sociétés privées. Tant mieux pour vous, monsieur. C'est juste, je fais le procès de ce système qui est aberrant, qui est n'importe quoi. Vous vous rendez compte, monsieur, que pour sortir cette dame de cette situation, vous êtes obligé de payer vous-même. C'est un truc de dingue. Et que vous n'êtes même pas capable de lui dire ça n'arrivera plus. Vous êtes en train de dire il faut faire un travail de police pour que, éventuellement, on ne sait même pas comment elle va s'en sortir. D'ailleurs, tenez-nous au courant, Caroline. Le véhicule pourrait très bien stationner dans une autre ville qu'Annemasse. Bah oui, mais c'est pour ça. On ne sait même pas sortir de ça. On envoie des gens sur la Lune et on est incapable d'arrêter quelqu'un, d'avoir des PV. C'est un truc de dingue. Mais monsieur, je ne vous en veux pas encore une fois. Vous faites votre job et vous le faites bien. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Dierks. Caroline, on se tient au courant. Il faudrait aussi que la préfecture ne réattribue pas les mêmes numéros. C'est-à-dire qu'à la base, la préfecture qui réattribue les mêmes plaques en WWE. Vous avez raison. Je suis obligé de vous laisser, Caroline. J'ai deux autres cas à traiter, mais merci en tout cas. Le vôtre est résolu grâce à ce monsieur Dierks que je remercie. Merci à tout le monde. 10 000 fois. Tout de suite sur RTL pour quel cas, Charlotte ? Le cas de Stéphane, elle prend un vol avec escale. Son premier vol atterrit à 17h35. Son deuxième vol décolle à 17h20. Cherchez l'erreur. D'ailleurs, dimanche soir dans Capital, ça sera notre deuxième reportage, justement, ces fameux PV, les sociétés privées. Ne le manquez pas, l'enquête est formidable. Suivez l'actualité de la Route du Rhum et de Nicolas Troussel, skipper Corum, tous les soirs sur RTL et sur corum.fr. Corum, il est temps de changer l'épargne. Bonne matinée en compagnie d'RTL. Vous êtes en voiture. Comme 70% des automobilistes, vous écoutez la radio en roulant. Comme 100% des automobilistes, vous trouvez que le carburant est trop cher. Mais Carrefour lance une opération exceptionnelle. Les jours carburant. Le carburant à prix coûtant jusqu'au 20 novembre dans vos hypermarchés Carrefour. Car chez Carrefour, nous sommes à 100% pour votre porte-monnaie. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors GPL et E85, conditions et magasins participants sur carrefour.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Et si on pensait au Roquefort ? Une baguette encore un peu chaude ? Une pointe de miel, du roquefort déposé, à peine étalé, tout simplement. Et là, tu croques, tu dégustes. C'est tellement bon. Roquefort, le goût haut et fort. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Dis papy, comment tu fais pour chauffer ta maison sans cheminée ? Avec la pompe à chaleur Viessmann. Elle chauffe la maison en hiver et elle la rafraîchit en été. C'est pratique et économique, hein ? Et tout ça sans bruit. C'est vrai qu'il fait toujours bon chez toi ? Avec la qualité des pompes à chaleur Viessmann, vous avez la garantie d'un confort thermique tout au long de l'année. Et vous réduisez enfin vos dépenses et votre impact sur l'environnement. Avec votre nouvelle pompe à chaleur Viessmann, profitez de 30% de crédit d'impôt. Retrouvez l'installateur formé au produit Viessmann le plus proche de chez vous et ses offres de financement sur Viessmann.fr. France 3 propose un documentaire événement consacré à Johnny Hallyday. Nous avons grandi, aimé, pleuré avec lui. En 50 ans, le rocker a marqué notre histoire culturelle, populaire et intime. inédit, Johnny Made in France, demain à 21h. France 3, vous êtes au bon endroit. Ah, au fait, chérie, j'ai appelé le plombier pour la fuite. Tu sais, dans la cuisine. Quoi ? Mais enfin, c'est ridicule, je suis plombier ! Bah oui, mais t'es jamais là. Parce que les pros n'ont jamais de temps pour eux, Nissan leur facilite la vie avec une offre tout compris. Pendant le mois de l'utilitaire, profitez d'offres sans apport, avec garantie 5 ans, entretien et assistance inclus sur le pick-up Navara et toute la gamme utilitaire. Nissan, innover autrement. Jusqu'au 30 novembre, Sauf NV200 fourgon réservé aux professionnels, garantie constructeur 5 ans, 160 000 km, Sauf NV200. Entretien assistance 4 ans en crédit bail, détail Nissan.fr. Monoprix, tu sais que t'aimes les anniversaires quand tu vas à toutes les fêtes, même à celles des gens que tu ne connais pas. Et tu sais que t'aimes encore plus les anniversaires quand tu en as un chez Monoprix et que tu campes devant le magasin pour être le premier à fêter ça. Youpi ! L'anniversaire de Monoprix, c'est parti. Profitez de la promotion exceptionnelle pour une bouteille innocent 100% pur jus de fruits, pommes et fleurs de sureau achetée. La deuxième est offerte jusqu'au 19 novembre. Monoprix, bouteille de 900 ml, panachage possible, voire conditions de l'offre en magasin. Pour votre santé, bougez plus. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et du nouveau, puisqu'on parle aussi de l'actu de temps en temps, vous savez, la fameuse sextape de Valbuena, il était allé voir la police en leur disant, voilà, on me fait chanter avec une sextape, et visiblement un policier a dit, ok, je vais mener la transaction pour voir si je peux les attraper. La cour, aujourd'hui, a jugé conforme les agissements sous couverture du policier infiltré, ayant servi d'intermédiaire entre Mathieu Valbuena et les maîtres chanteurs, puisque la défense a dit, voyez, le policier, il a incité à ce qu'on fasse une transaction, et finalement la cour d'appel a dit non, ça fait partie des attributions du policier, donc il y aura bien une enquête et un procès. Oui, alors Julien, on n'a pas les tenants aboutissants du dossier et du fond du dossier, mais certainement si la cour a pris cette décision, c'est qu'elle n'a pas forcément poussé, mais certainement qu'il y a eu des preuves selon lesquelles il y a eu effectivement du chantage, il fallait bien effectivement que la police mène une enquête, ça fait partie de l'enquête. Bien, en tout cas, sachez que très prochainement vous entendrez parler d'une autre affaire, d'une sextape entre Maître Fellono et moi-même. J'ai vu les images, on nous voit dormir de 20h à 9h du matin et ronfler. Il ne se passe rien. Et ils nous font chanter en nous disant, on va montrer que t'es un gros nul. Et on regarde un épisode de Maigret. Avec un pyjama en pilou, en prenant une tisane, jambes lourdes. Just move your Eh oui, car je gagne aussi ma vie en faisant de la post-production sur les 10. J'ai été appelé. Je n'en ai jamais parlé parce que je ne suis pas un vantard. Mais les plus grands ont fait appel à moi. Earth, Wind & Fire, Michael Jackson. Je viens avec mon doigt et ma bouche et je peux vous dire que ça fait très bien. Dans une seconde, incroyable ce cas, Charlotte. S'il existait une machine à remonter le temps, Stéphane l'aurait certainement utilisée puisque lors de son vol avec Escale, son premier vol devait atterrir à 17h35 et son deuxième vol décollait 15 minutes avant. Bernard Sabat, vous nous avez dit tout à l'heure quelque chose d'important. 35 ans dans le voyage et vous me dites et vous me confirmez que vous n'avez jamais entendu ça. Je vous le confirme, Julien, c'est un scandale. Eh bien, nous allons voir ce qui s'est passé exactement. Soyez là pour entendre parler de ce cas hallucinant, visiblement, dans l'histoire du voyage. Et le plus incroyable, c'est que Bernard Sabat est tenu 35 ans dans ce milieu-là sans se faire jeter. C'est surtout ça qu'il faut retenir comme information. Ça se passera dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Juliette, tiens-toi prête. Leclerc nous invite à vivre Légende de la Force, une célébration Star Wars à Disneyland Paris. Comment ça, mon commandant? En participant au grand jeu concours Disneyland avec des invitations galactiques à remporter et surtout un séjour VIP pour 4 personnes dans le luxe ultime du Disneyland Hotel. Génial! Allons vivre les Légendes de la Force! Du 23 octobre au 15 décembre, participez au grand jeu Disneyland Paris. Dès 30 euros d'achat ou pour 2 produits partenaires achetés. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. En route pour de nouvelles aventures! Tous chez Leclerc! Et si on était sûr d'être joignable tout le temps pour ses clients? Tu sais, avec mon forfait mobile Orange Pro, j'appelle mes clients en illimité dans toute l'Europe. Et moi, avec Orange Pro, j'ai jusqu'à 10 heures d'appel vers et depuis l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et ben moi, un problème avec mon mobile? J'ai une assistance 24/24, 7 jours sur 7, en France comme à l'étranger. Bon ben, on part travailler au soleil! Avec les forfaits Performance Pro, profitez d'un forfait mobile pour les pros avec une assistance adaptée à vos besoins. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr. Renault Occasion, c'est aussi de l'électrique. On voulait vous faire écouter ceci. Ce silence vous est offert par Renault Zoé d'Occasion. 100% électrique, silencieuse et accessible à partir de 59 euros par mois, hors location de batterie. Et avec l'aide à l'installation de la prise de recharge, tout le monde va passer à l'électrique. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2018, conditions sur Renault.fr. Vocapi Paul, le spectacle musical aux 3 millions de spectateurs est de retour en France pour fêter ses 10 ans avec un show musical plein d'énergie et débordant d'humour. Vocapi Paul au Dôme de Paris, Palais des Sports, pour 10 représentations exceptionnelles à partir du 20 décembre. Avec RTL. Vous avez hâte de rentrer chez vous, non? Je vous vois déjà vous détendre au coin du feu. Et tout ça grâce au conduit et sortie de toit Pujula. Facilité d'installation, confort et économie, ça change la vie. Un projet de chauffage? Trouvez votre installateur Pujula sur pujula.fr. Change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les jeux en famille de Romain qui changent, avec 25% en cagnotte sur une sélection de Lego. Moins 25%. Romain, s'il y a une vache qui pilote le vaisseau Star Wars, c'est parce qu'elle s'est échappée du bateau pirate. Enfin. Vos magasins Auchan et Auchan.fr proposent 25% en cagnotte sur une sélection Lego. Et votre vie change. Auchan. Valable jusqu'à dimanche sur une sélection Lego Duplo, Lego City, Lego Friends, Lego Star Wars, Lego Ninjago et Lego Technique. Montant crédité sur votre compte Wahoo, conditions en magasin et sur Auchan.fr. Magasin ouvert le 11 novembre sur Auchan.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Allez, c'est parti pour ce cas extraordinaire. J'accueille maintenant celui qui en est victime, c'est Stéphane. Stéphane, bonjour, bienvenue sur RTL. Bonjour Julien. Ah, c'est pas Stéphane alors, c'est sa femme. Si, c'est Stéphane, mais je suis une femme. Ah pardon, je suis désolé. Alors je me suis dit, à un moment donné, je ne vous cache pas que j'ai eu un gros malaise. Je me suis dit, il y a deux solutions. Soit je me suis planté, ce n'est pas Stéphane, c'est une autre auditrice, je me suis trompé sur ma fiche. Soit c'est un Stéphane, mais qui a décidé de prendre une autre voie dans sa vie, etc. Donc Stéphane est aussi un prénom féminin, alors. Eh bien, je ne le savais pas. Oui, comme Stéphane Audran. Oui, ben oui, mais vous avez voilà. entièrement raison. Et voilà. Je ne savais pas qu'Audran était féminin. Alors attention, type qui n'a rien compris. Stéphane, racontez-nous. Alors voilà, quelques jours avant de partir, je me suis aperçue que sur le billet électronique, le premier vol arrivait après le départ du deuxième vol. J'ai donc contacté la compagnie, l'employé que j'ai eu m'a reconnu leur Stéphane, erreur. Prenons depuis le début, vous achetez ces billets où? Vous allez dans une agence? Alors, comment ça se passe? Sur Internet. D'accord, et sur Internet, vous leur demandez, vous voulez partir d'où pour aller où? Alors, je suis partie de Nice pour aller à Saint-Martin. Oui. Et là, ça concerne l'aller ou le retour, votre problème ? Alors, le retour. Le retour. Donc, Saint-Martin-Nice, et vous êtes censé donc faire quoi comme escale ? Saint-Martin, Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre, Paris, Paris-Nice. D'accord. Alors, le problème est où sur les horaires ? Sur Saint-Martin, Pointe-à-Pitre. D'accord. Expliquez-nous quel est le problème. Alors, le vol Saint-Martin, Pointe-à-Pitre arrivait à 17h35, alors que le vol Pointe-à-Pitre, Paris partait à 17h20. Effectivement. Là, on peut le dire clairement, il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce qu'on vous a dit, en courant très très vite, si vous arrivez, vous pourrez peut-être le prendre en vol? Alors, ok, donc ça, vous vous apercevez que c'est impossible, mais on vous vend tous ces vols-là, en fait. C'est le site internet qui vous propose ça. On est d'accord, oui, qui vous propose cette offre. Oui, j'ai eu quelqu'un au téléphone. Hein, ah, encore mieux. Pour avoir ce vol. Un artiste. Et donc? Voilà. Donc, j'ai reçu le billet électronique. Quand j'ai regardé les billets électroniques quelques jours avant de partir, je me suis donc aperçue de l'erreur. Je les ai contactés, voilà, et l'employé m'a dit qu'effectivement, il reconnaissait leur erreur, qu'il m'a édité un nouveau billet pour 3 jours après, et m'a dit de faire une réclamation demandant une indemnisation pour ces 3 jours. Donc, vous avez dû... Voilà. Et alors, cette indemnisation a été faite, et aujourd'hui, on ne vous donne rien? Rien du tout, mais on me répond à côté, quoi, donc... Une fois, il me demande de contacter. Il déplore la difficulté rencontrée lors du vol, sauf que je n'ai pas pris le vol. Hein. Enfin, non, c'est quand même incroyable. Et donc, on ne vous indemnise pas. On devrait s'excuser platement et vous dire excusez-nous, parce que c'est tellement idiot de vendre comme ça un vol qui est impossible à prendre. Coup de gueule de Bernard Savard. Tout de suite sur RTL, un coup de gueule. Alors là, Bernard, déjà, c'est déjà très long pour se faire indemniser quand il y a des retards d'avion, etc. Mais là, vendre un vol qui est impossible à prendre, il faut le faire. Ah oui. Je suis d'accord avec vous, mais comme c'est une sous-traitance, ce fameux Saint-Martin Pointe-à-Pitre a été vendu par une compagnie aérienne donc très connue, mais qui sous-traite avec une autre compagnie, la première réponse qui a été donnée de la compagnie qui a créé le litige a dit « Regardez avec l'autre compagnie déjà ». Donc ça, c'est déjà la première anomalie. Donc ça, c'est quand même surprenant. Attendez, laissez juste les gens essayer de comprendre en quelle langue vous parlez, de quoi vous parlez, parce que là, on n'a rien compris. Donnez les noms des compagnies. Marques, Julien, c'est pour ça que je me suis permis de rester neuf. Bah, allons-y, c'est Air France qui a sous-traité avec Air Anti-Express. D'accord, donc quand elle s'est adressée à Air France, on lui a dit « Voyez Air Anti-Express ». Exactement, c'est le premier courrier déjà, donc okay. Ce qui est surprenant. Ils partent bien son nom, hein, Air Anti-Express, parce qu'ils partent plutôt... Ça va trop vite d'ailleurs. Il faudrait qu'il soit un petit peu moins express parce que là, du coup, ça va. Donc, il s'appelle Aranti-DK pour calmer un peu le jeu. Oui. Voilà, donc ça, c'est la première anomalie. La deuxième, c'est comment on peut laisser un litige plus de 4 mois. Ça date du mois de mai, Julien. On est donc au mois de novembre. Je ne comprends pas la position de la compagnie nationale et on ne prend pas les gens en otage. Ils ont payé des frais, ils ont avancé de l'argent. Je pense qu'ils méritent une sanction. Je le dis haut et fort alors que j'adore cette compagnie. Est-ce qu'on a le numéro? On est prêt à le faire? Tout à fait. Allez, dans quelques instants, on va le faire. Un mot de Maître Novakovic très rapidement, Maître. Oui, Julien, je suis absolument scandalisée par ce... Je suis même choquée effectivement par cette attitude et c'est vraiment le genre de dossier. Alors, ils ont de la chance finalement, cette compagnie qu'on négocie sur RTL parce qu'ils mériteraient vraiment un bon petit procès avec des bons dommages et intérêts. Alors, je pense pas que ça soit de la mauvaise volonté. Je pense que ces systèmes de sous-traitance qui consistent à prendre une compagnie qui elle-même sous-traite avec l'autre, après, il n'y a pas de process pour savoir qui va indemniser. Voyez avec l'autre, mais l'autre nous a dit, et puis vous retombez sur un autre employé qui n'est pas au courant du dossier, c'est la cata. Dans une seconde, nous allons tout faire, Stéphane, pour essayer de vous aider. Merci. Allez. C'est pas pour le moral. Allez. Allez, oui. C'est les vacances. Tu dois partir à 10h, mais l'avion part à 15h. On peut venir à 7h, c'est pas lundi, c'était jeudi. Et là, c'est bon pour le moral. Allez, à tout de suite sur RTL. Leclerc. Ah maman, c'est quoi tous ces gels douche Tahiti là ? Une super promo Leclerc. Un lot de 3 gels douche Tahiti achetés, un lot de 3 gels douche Tahiti offerts. Ah ouais, carrément ! Bah ouais, un lot de gels douche Tahiti achetés, un offert. En plus, on a le choix dans les parfums. Du 6 au 10 novembre, c'est les super promos chez Leclerc. Pour l'achat d'un lot de 3 gels douche Tahiti de 250 ml chacun, variété au choix, le deuxième lot est offert. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. 3 gels douche Tahiti achetés, 3 gels douche Tahiti offerts. Ça, c'est des super promos. Chez Air Transat, nous savons qu'il y a de nombreuses raisons de visiter le Canada en hiver. Les grands espaces, les balades en motoneige et finir sa journée dans un spa ou au coin du feu. Et puis le Canada, c'est aussi des rencontres authentiques et des expériences culinaires. Parce que toutes les raisons sont bonnes. Avec Air Transat, élue meilleure compagnie aérienne loisir au monde, vous êtes déjà au Canada. Montréal, Québec, Toronto ou Vancouver à partir de 356 € TTC, aller-retour. Réservation dans votre agence de voyage ou sur airtransat.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron? Oui, quoi encore? Ben on a un pépin. Je suis chez Lidl. Ils ont croqué les prix. Demain et après-demain, le sachet de 2 kg de pommes golden est à 1,99€. 1,99€ les 2 kg de golden? Mais c'est infernal! Vous avez raison patron, hein, c'est un prix d'enfer. Mais c'est le vrai prix, hein. Et Origine France, c'est délicieuse golden. T'as fini, oui. Eh ben c'est bien vous qui vouliez les prix Lidl, non? Oh, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, calibre 115-150, Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des frais à collectionner dans votre supermarché. Et si on parlait Renault Service? Bonjour, c'est Monsieur Richard. Brrr, le froid arrive. Dites, pour que votre voiture passe bien l'hiver, vous n'allez quand même pas lui tricoter une couverture? Une maille à l'endroit, une maille à l'envers? Non, la solution, c'est le bilan sécurité hiver chez Renault Service. Et c'est le moment, il est offert. Voyez, inutile de vous mettre au point de croix. En plus, si vous deviez changer votre batterie, Renault reprend l'ancienne, 15€. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. En ce moment, ce sont les tickets d'or dans les magasins U. Thomas demande à l'accueil du magasin. On gagne quoi avec les tickets d'or? Des euros carte U. 3, 5, 10, 15, 250€ à verser sur votre carte U. Il suffit de gratter votre ticket remis à partir de 25€ d'achat ou l'achat d'au moins un produit de marque partenaire. Il y a 6 millions d'euros carte U en jeu. 6? Non. Si, 6 millions. Jeu avec obligation d'achat du 6 novembre au 2 décembre sur présentation de votre carte U. Les euros carte U gagnés sont à verser jusqu'au 9 décembre à l'accueil du magasin. Règlement du jeu sur magasinu.com. U. Commerçons autrement. Picard. Le moelleux au chocolat qui cuit dans le four. Le moment où j'y plonge ma petite cuillère et ce cœur coulant. Je ne sais pas vous, mais moi, ce moelleux, je l'aime passionnément. Réjouissez-vous. En ce moment, vos produits Picard préférés sont à moins 30% avec la carte Picard et moi, comme les deux moelleux au chocolat à seulement 2,45€, soit 12,25€ le kilo. Picard, chaque jour un goût nouveau. Produit élu par plus de 100 000 clients Picard, voir conditions en magasin et sur picard.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Merci d'être avec nous, un cas hallucinant de voyage. Et nous allons appeler toutes les compagnies dans quelques instants. Soyez bien à l'écoute en direct sur RTL. You are listening RTL, it is 10 o'clock. Ah, bien. Je voulais savoir si la personne qui a envoyé le jingle était bilingue, elle l'est. Il est 10h, c'est Quentin Vinet pour l'information. Deux immeubles vétustes sont en train d'être démolis à Marseille. Deux immeubles situés juste à côté des bâtiments qui se sont effondrés en début de semaine. Le bilan est toujours de 6 morts. Les opérations de recherche sont suspendues depuis hier soir. Des habitants ont manifesté pour dénoncer l'habitat indigne dans la ville. Le maire Jean-Claude Gaudin, qui ne s'est pas exprimé jusque-là, doit prendre la parole en fin de matinée. Message optimiste ce matin de Bruno Le Maire. Nous allons y arriver, assure le ministre de l'économie aux 280 salariés de l'usine Ascoval près de Valenciennes. Le site est en redressement judiciaire. La justice doit trancher mi-décembre. L'État s'engage à mobiliser les banques. Bruno Le Maire s'est rendu sur place ce matin après avoir reçu les syndicats à Bercy. C'était la semaine dernière. Emmanuel Macron lui va passer la matinée pas très loin de là, à Maubeuge, où le groupe Renault doit confirmer l'investissement d'€1 milliard dans son usine de véhicules électriques. La France Insoumise prévoit de manifester. Le président poursuit son itinérance mémorielle. Cinquième jour, il sera cet après-midi à Notre-Dame de Lorette, site de la plus grande nécropole militaire française où reposent 22 000 combattants. La bourse de Paris, elle ouvre encore à la hausse ce matin, plus 0,35%. Le CAC 40 tourne autour de 5150 points. Il y a du nouveau dans l'affaire de la sextape ce matin. Le chantage dont aurait été victime le footballeur Mathieu Valbuena il y a 3 ans. La justice valide l'enquête qui était contestée par la défense et cela ouvre la porte à un éventuel procès pour Karim Benzema et les 5 autres personnes mises en examen dans cette affaire. On connaît la composition du 15 de France qui jouera samedi soir contre l'Afrique du Sud en rugby. Ce sera le premier test de la tournée d'automne. Cette composition, elle vient d'être donnée au centre de Marcoussis. Jean-Michel Rascol, vous êtes le spécialiste rugby de RTL. Vous êtes sur place. On vous écoute pour cette compo. Bien écoutez, les meilleurs seront samedi sur le terrain avec des choix que l'on peut toujours discuter hein, de la part de Jacques Brunel. Ainsi, Baptiste Serin a été préféré à Antoine Dupont à la mêlée. Camille Lopez occupant le poste de demi d'ouverture. Damien Penaud, très en vue avec Clermont, se fait une petite place à l'aile au détriment de Gaël Ficou, pourtant irrésistible avec le Stade français. Maxime Médard occupera le poste d'arrière dans le pack d'avant-retour de Louis Picamol en troisième ligne. Guilhem Guirado restant bien sûr le capitaine. À 8 matchs officiels, officielle de la prochaine Coupe du Monde. Le 15 de France a besoin de retrouver de l'efficacité et ce ne sera pas évident face aux Springboks. On se méfie de tout, a dit Jacques Brunel. Je suis persuadé que mon équipe peut rivaliser avec toutes les équipes du monde, a-t-il dit, mais... Et c'est justement ce mec qui laisse perplexe face à un sélectionneur qui semble avoir beaucoup d'espoir, mais peu de certitude. Jean-Michel Rascol, spécialiste rugby sur RTL France-Afrique du Sud, ce sera samedi soir. Les chevaux seront à l'hippodrome de Vincennes aujourd'hui pour le quintet. Claude Piersanti vous propose de jouer le 5, le 9, le 2, le 4, le 3, le 6, le 7, hélas. 5, 9, 2, 4, 3, 6, 7, as, dernière minute, le 3. Enfin, le soleil a du mal à percer ce matin. Le ciel est nuageux dans l'ensemble. Ce sera pareil cet après-midi. Il fait entre 11 degrés à Lille et 18 degrés, la maximale pour Ajaccio. 10h et 4 minutes sur RTL. Vous êtes avec Julien Courbet. Merci Quentin. Tout à l'heure, 11h pour d'autres infos. Voici le point info sur tout ce qui s'est passé depuis une demi-heure sur l'antenne d'RTL en direct. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Et nous avons démarré par cet incroyable cas de PV qui a démarré hier. Caroline est effectivement passée hier à l'antenne puisque l'administration lui réclamait 960 euros pour des impayés de stationnement dont elle n'est pas responsable et pour cause, ces stationnements ont eu lieu à 500 km de chez elle. Alors, nous avons eu la personne de la société privée et je lui ai redit, nous ne faisons pas le procès des sociétés privées, que ce soit des sociétés privées qui fassent ça, pourquoi pas. Nous faisons surtout le procès du système puisque vous l'avez bien compris, vous ne pouvez rien faire. C'est d'ailleurs, je trouve... démocratique n'est pas le mot, mais pour moi anticonstitutionnel que l'on puisse comme ça se faire piéger par la machine judiciaire sans pouvoir vraiment se défendre, puisque vous avez bien compris que si on vous met un papier sur votre pare-brise, que le vent porte le papier ou qu'un abruti prenne ce papier et s'amuse à le jeter à la poubelle, eh bien derrière vous allez être obligé de payer alors que vous étiez bien garé, etc. Et vous allez rentrer, et là d'ailleurs pour sortir de cette situation, ce monsieur a proposé de payer lui-même. Mais ce qui est encore plus dingue avec cette histoire de papier qu'on a mis sur son pare-brise, Maître Fellonneau. C'est que tout le monde est bien conscient que ce n'est pas elle qui est en faute, étant donné que le papier, le PV qui est dressé, concerne un véhicule Citroën, alors que le sien, c'est une Mercedes. Voilà. Qu'ils ont simplement la même plaque d'immatriculation provisoire, parce que cette Citroën ne régularise pas sa situation en continuant à rouler avec une plaque provisoire. Alors peut-être que du côté de la mairie d'Annemasse, je pense qu'il y a deux solutions. Hein. Soit on pose le papier, soit c'est électronique. Il faudra prendre des décisions aussi. En tout cas, Caroline doit faire des démarches alors qu'elle n'a rien fait, qu'elle n'y est pour rien. Elle a dit « je ne paierai pas puisque je ne les ai pas les 900 euros, donc je ne vais pas payer ». Mais c'est ce monsieur qui va payer de sa poche en espérant que ça ne continue pas, puisqu'il nous a dit « je ne peux pas arrêter la machine, il faudrait que la police arrive à attraper cette personne ». C'est un truc de dingue. Et puis nous avons attaqué ce cas voyage. Une compagnie aérienne s'est trompée dans le billet d'avion avec escale de Stéphane. Impossible d'avoir sa correspondance puisque son deuxième vol décollait 15 minutes avant l'atterrissage du premier. Alors, on peut se dire que c'est une aberration, mais qu'une aberration, ça se rattrape. Et bien, depuis le mois de mai, elle nous a expliqué qu'on ne l'indemnise pas puisqu'elle a dû rester 3 nuits sur place. Et encore, elle est bien gentille parce qu'on parle de l'indemnisation des 3 nuits. Mais imaginez-vous, par exemple, vous avez un procès aux assises, vous êtes bloqué là-bas. Non, mais je plaisante pas. Vous ne pouvez même pas aller faire votre métier ou n'importe qui, etc. Donc, il y a en plus un préjudice, Maître Novakovic, en plus du remboursement de la nuit d'hôtel. Bien entendu, Julien, il y a un préjudice du fait, effectivement, qu'elle ait dû effectuer cette nuit d'hôtel, etc., qu'elle a prolongé son voyage alors qu'elle ne s'y attendait pas du tout. Mais surtout, le préjudice du fait qu'ils ne répondent pas, le préjudice du fait qu'ils sont... Il y a une sorte de résistance abusive, c'est ce qu'on dit au tribunal, qui fait qu'elle est en droit de réclamer des dommages et intérêts. C'est une partie de ping-pong, Stéphane. Qu'est-ce que l'on vous dit? C'est pas telle compagnie, c'est l'autre, puisqu'on rappelle que c'est une compagnie qui a affrété un vol d'une autre compagnie? Oui, c'était Air France qui a affrété Air Antilles. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut voir avec l'autre et l'autre vous dire qu'il faut voir. Alors, avec la première? Oui, ils m'ont dit qu'il fallait que je contacte Air Antilles parce que, vu les déplorer les difficultés rencontrées lors du vol que je n'ai pas pris, évidemment. Ensuite, ils me disent qu'ils sont désolés que je n'ai pas pu faire la réservation que je souhaitais. Enfin voilà, et donc pas de réponse autre. Allez, nous allons appeler. De toute façon, ça va se faire avec le sourire, puisqu'on a envie, oui, à un moment donné, de se dépayser un peu et d'être un peu sous les palmiers. Alors effectivement, si on te dit que ton avion décolle à 14h, mais que la navette qui va t'emmener là-bas n'arrive qu'à 15h, ben écoute, allez, prends ça avec le sourire. Il a resté 3 jours de plus sur place. Profites-en, oui. Allez. Tu vas louper la rentrée. Ton fils n'ira pas à l'école. Et toi, tu seras coincé. Et allez. On appelle dans une seconde sur l'antenne d'RTL toutes les compagnies. Il y en a deux à appeler. Vous aurez un deuxième coup de gueule, Bernard Sabat. Non, je voudrais juste dire qu'il n'y a pas appelé deux compagnies. Julien, excusez-moi de vous contredire. On va appeler une seule compagnie, celle qui a vendu le billet. C'est donc Air France. On rappelle quand même la principale information de la matinée. Ça fait 35 ans que Bernard Sabat travaille dans le voyage et il n'a jamais vu ça. D'ailleurs, on était en train de dire avec Maître Felono et Maître Novakovic qu'en 35 ans, finalement, il n'a jamais rien vu. Allez, à tout de suite. Cet hiver, Mastercard et Disneyland Paris célèbrent 90 ans de magie avec Mickey. Animation, spectacle, gâteau d'anniversaire géant et de nombreuses autres surprises sont au programme. Grâce à Mastercard, faites partie des heureux privilégiés et assistez aux festivités pour l'anniversaire de Mickey. Découvrez d'autres expériences tout aussi magiques avec le programme Priceless Cities de Mastercard sur priceless.com. RTL, on a tellement de choses à se dire. Are you happy now? Pendant ce temps chez Renault, là, c'est l'effet que cela fait d'estimer la valeur de votre voiture très facilement, rapidement et gratuitement sur Renault.fr, quelle que soit sa marque. Waouh ! Et là, c'est quand vous apprenez qu'en plus, Renault vous offre jusqu'à 5 500 € en plus de la valeur de reprise de votre véhicule pour l'achat d'un véhicule neuf. Jusqu'à 5 500 € en plus de la valeur de reprise pour l'achat d'un Renault Espace neuf du 1er novembre au 31 décembre 2018, estimation finalisée en concession. Offre non cumulable réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Conforama, le confort pour tous. Jusqu'au 18 novembre, si vous achetez un électroménager encastrable, on vous reverse 15% du montant sur votre cagnotte Confo Plus. 15% reversé, c'est ça une exclusivité carte Confo Plus. Conforama. Conditions et liste des magasins ouverts le 11 novembre sur Conforama.fr. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les déplacements d'Hugo qui changent. Avec le carburant à prix coûtant. Le carburant à prix coûtant, Hugo. Du coup, évite d'aller faire le tour des stations essence pour comparer les prix. Surtout au prix de l'essence. Jusqu'au 17 novembre 2018, vos magasins Auchan vous proposent le carburant à prix coûtant. Et vos déplacements changent. Auchan. Voir modalités et liste des magasins participants sur Auchan.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Allô, bonjour, je cherche une citadine pratique et compacte. Bonjour madame, je vous propose Fiat Panda à 5 990 €. C'est une 5 portes ? Oui, 5 990 € avec 5 portes et climatisation. Génial ! Et elle bénéficie de la prime à la conversion ? Évidemment, et du bonus éco-Fiat. Mais elle a combien de kilomètres ? Mais elle est neuve madame. Fiat Panda est à partir de 5 990 €, prime gouvernementale et bonus éco-Fiat déduit. Offre sous conditions de reprise incluant la prime de conversion de 2 000 € et le bonus Ecofiat 2 000 € jusqu'au 30 novembre. Détails sur fiat.fr. Fiat. Ce vendredi, tirage exceptionnel, Euromillion Malmillion. 5 joueurs en France vont gagner 1 million d'euros chacun. Alors, imaginez. FDJ, offre valable en République française et Monaco. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Vous écoutez le 9h30 11h sur RTL. Nous appelons donc la compagnie aérienne Charlotte pour le cas de Stéphane. Voici le vol avec escale Conluivant. Saint-Martin, Pointe-à-Pitre, atterrissage 17h35. Pointe-à-Pitre, Paris, décollage 17h20. Je vous assure, madame, c'est possible. Écoutez, vous êtes sûr qu'il n'y a pas une erreur ? Non, c'est possible. Mais ne traînez pas au duty free compagnie. Hein, ça, je vais pas vous mentir, madame. Hein, si vous commencez à faire des courses, à traîner dans les couloirs, vous ne l'aurez pas. Mais si vraiment vous calculez bien, vous courez vite, madame ? Bon, alors, très bien. Avant de prendre votre avion, il faudra déjà vous entraîner un peu chez vous, aller dans une salle de sport, peut-être prendre un coach sportif pour pouvoir. Parce que dans le couloir, à un moment donné, il va falloir courir très vite. Ne prenez pas, vous coupez les fils. Hein, sinon, ah ben, on n'y arrivera pas sinon, hein, si vous ne coupez pas les fils, madame. Qu'est-ce que vous avez comme chaussures ? Avec des chaussures comme ça, madame, vous n'y arriverez pas. Vous allez aller chez Decathlon et acheter des... Mais attendez, mais franchement, allez, on y va. C'est parti, excusez-moi Stéphane, mais je trouve ça tellement hallucinant. Mais c'est possible quand même. Merci de votre... Vous allez être mise en relation avec l'un de nos conseillers. Waouh ! On a été téléporté. Si votre appel concerne une réclamation au sujet d'un bagage, tapez 1. Non. Si votre appel concerne une réclamation au sujet d'un événement survenu lors d'un vol ou à l'aéroport, tapez 2. Ça, oui. Ah, oui. Oui. Bon, vas-y. Dans le cadre du suivi de notre qualité de service, nous vous informons que cet appel est susceptible d'être enregistré. Si vous ne le souhaitez pas, merci de le signaler à votre conseiller. Si vous souhaitez obtenir des informations concernant vos droits, veuillez taper sur la touche étoile de votre téléphone. Moi, dès qu'il y a un blanc, ça m'assoupit, Stéphane. J'ai tellement l'impression d'avoir du bruit, vous savez, c'est... Bon, bah, vous récupérez l'appel. Céline, vous le donnez à Bernard. Bernard, je veux la petite alerte, hein. Dès qu'il y a quelqu'un qui répond, vous me le basculez sur l'antenne. Donc, vous dites que ça ne sert à rien de faire appel à la deuxième compagnie. Oui, donc elle a été affrétée pour faire un vol, elle a fait son vol. Si ce n'est que le problème, c'est qu'il y a eu un bug sûrement informatique, Julien, et donc la responsabilité incombe, et Maître Noakovitch vous le confirmera, incombe la compagnie, évidemment, Air France. Allez, vous savez qu'aujourd'hui, c'est une journée particulière, c'est la journée du harcèlement, donc nous réagissons à l'actualité, nous décryptons. RTL, c'est dans l'actualité et ça vous concerne. Et avant que les avocates en parlent, parlez-nous un petit peu, parce qu'on voulait vraiment en dire un mot, Céline, sur cette journée très particulière. Oui, c'est la journée nationale pour dire non au harcèlement scolaire. Sachez qu'en France, un élève sur 10 est victime de harcèlement scolaire. Et c'est à l'école primaire que le phénomène est le plus répandu. Si vous souhaitez réagir à ce phénomène, vous pouvez notamment appeler le 3020, qui est un numéro national et donc gratuit, ou alors réagir sur le Twitter avec le hashtag NAH, non au harcèlement. Alors, effectivement, il y a le boulot des profs qui observent les enfants, un enfant qui commence à se renfermer un petit peu. Maître Noakovitch, vous avez certainement dû avoir des cas comme ça dans votre carrière. Malheureusement, c'est le harcèlement, c'est du pénal, Julien, c'est un délit. Et les parents sont responsables, les responsables légaux, hein, quand ils sont des enfants mineurs qui procèdent au harcèlement. Et il faut non seulement se plaindre au niveau scolaire, mais ne pas hésiter également à déposer une plainte auprès du commissariat ou écrire directement au procureur de la République. Il ne faut pas laisser un enfant harcelé. Allez, nous allons nous retrouver dans quelques instants avec un deuxième cas, Charlotte, un deuxième cas inédit. Géraldine est séduite par une annonce immobilière qui présente une maison en très bon état. Finalement, elle en a pour 30 000 euros de travaux. C'est le premier extrait de l'album Folk de Nolwenn Leroy, qui après Bretonne revisite les grandes chansons folk des années 70. Et So Far Away From LA, qui est la reprise de Nicolas Perrac, est un extrait de cet album. Un album RTL où on parle d'aéroport pour rester dans le cas. Étrange fille aux cheveux d'or, dans ma mémoire traîne encore. C'est l'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort Alcatraz où traîne encore les sanglots couleur de prison. Monsieur Carroll Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away. A shadow. The Queen Mary est un hôtel au large de Beverly Hills. Et les collines se souviennent des fastes de la dynastie qui de Garbo jusqu'à Bogie faisait résonner ses folies. So far away from LA, so far ago from Frisco. I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Un petit bijou signé Nolwenn Leroy. Où en est-on sur le cas de ce vol, Charlotte? C'est l'histoire d'un vol un petit peu particulier. Saint-Martin-Pointe-à-Pitre, atterrissage à 17h35. Pointe-à-Pitre-Paris, décollage à 17h20. Vendu par une compagnie qui aujourd'hui a obligé donc notre Stéphane, notre auditrice, à rester 3 jours sur place et qui depuis le mois de mai ne l'indemnise pas. Est-ce que nous avons eu un interlocuteur, Bernard Sabat? Oui, je suis avec une personne au service réclamation qui prend la référence de dossier et qui va donc nous donner des informations précises. Dès que vous l'avez, vous me la passez. Oui. On a juste le temps de marquer une petite pause. À tout de suite sur RTL. Et si on parle parler Renault Service. Bonjour, c'est Monsieur Richard. Brrr, le froid arrive. Dites, pour que votre voiture passe bien l'hiver, vous n'allez quand même pas lui tricoter une couverture. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Non, la solution, c'est le bilan sécurité hiver chez Renault Service. Et c'est le moment, il est offert. Voyez, inutile de vous mettre au point de croix. En plus, si vous deviez changer votre batterie, Renault reprend l'ancienne, 15 euros. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Alors, c'est semaine de luxe. C'est toujours d'actualité. Mais là, ils ont un classique de la pâtisserie italienne. Le panettone, padrone. Et avec vos origines transalpines, ben... Oh là, t'en fais des tonnes. Ah bah des tonnes non, mais un panettone d'un kilo, oui. Et en ce moment, il est à 4,29€ pièce, avec fruits confits et raisins secs. Pour les fêtes avec ce gâteau, bah c'est toute la famille Dia qui va être gâtée. Pas nous, avec ce panettone à 4,29€. Bah c'est sûr, hein. Pour nous, c'est pas du gâteau. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Offre valable jusqu'au mardi 13 novembre. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Ah, au fait, chérie, j'ai appelé le plombier pour la fuite. Tu sais, dans la cuisine. Quoi ? Mais enfin, c'est ridicule ! Je suis plombier ! Bah oui, mais t'es jamais là. Parce que les pros n'ont jamais de temps pour eux, Nissan leur facilite la vie avec une offre tout compris. Pendant le mois de l'utilitaire, profitez d'offres sans apport, avec garantie 5 ans, entretien et assistance inclus sur le pick-up Navara et toute la gamme utilitaire. Nissan, innover autrement. Jusqu'au 30 novembre, sauf ENV200 fourgon réservé aux professionnels, garantie constructeur 5 ans, 160 000 km, sauf ENV200. Entretien assistance 4 ans en crédit bail, détail Nissan.fr. Dis papy, comment tu fais pour chauffer ta maison sans cheminée ? Avec la pompe à chaleur Viessmann. Elle chauffe la maison en hiver et elle la rafraîchit en été. C'est pratique et économique, hein. Et tout ça sans bruit. C'est vrai qu'il fait toujours bon chez toi. Avec la qualité des pompes à chaleur Viessmann, vous avez la garantie d'un confort thermique tout au long de l'année. Et vous réduisez enfin vos dépenses et votre impact sur l'environnement. Avec votre nouvelle pompe à chaleur Viessmann, profitez de 30% de crédit d'impôt. Retrouvez l'installateur formé au produit Viessmann le plus proche de chez vous et ses offres de financement sur Viessmann.fr. Machine de verre et d'acier, elle débarque sur Terre pour sauver notre monde. Ses super pouvoirs, caméra de recul, démarrage sans clé, connectivité avancée, maniabilité optimale, optique LED. Découvrez les super pouvoirs de la nouvelle Skoda Fabia Clever à partir de 99€ par mois. Offre avec 1000€ de prime à la conversion et 3000€ de remise déduite jusqu'au 31 décembre 2018. Location longue durée à particulier, 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 1295€ sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur skoda.fr. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Damien Danguin adorerait se doter de la fibre pour Noël, pour que sa douce, ses deux ados et lui puissent surfer en même temps sans se disputer. Mais Damien se dit qu'avant qu'on ne la lui installe, il est évident qu'il se retrouvera sans aucun débit. Eh bien Damien, détrompez-vous. Chez Bouygues Télécom, on vous garantit Internet dès l'abonnement et même en cas de coupure grâce à une clé 4G. Profitez-en dès maintenant avec nos offres fibres après Noël. Rendez-vous vite en boutique. Engagement 1 an, offre soumise à conditions hors offre spéciale, éligibilité et couverture 4G sur bouyguestelecom.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Alors Bernard, ne me passe quelqu'un sur l'histoire du vol. Oui, Julien. Allô, bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame, bonjour, je me présente, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL et j'essaie d'aider, comme vous l'a dit mon collaborateur Stéphane, qui est une auditrice à qui on a vendu un avion impossible à prendre puisqu'il y avait une liaison qui partait en fait avant que le premier vol atterrisse. Bref, il y a eu une erreur, ça peut arriver, mais depuis le mois de mai, elle se bat pour se faire indemniser parce qu'elle est restée 3 nuits sur place puisqu'on ne pouvait pas la faire repartir. Comment peut-on avancer, s'il vous plaît, madame, depuis le mois de mai ? Oui, bien sûr. Je réitère toujours mes excuses, monsieur, face à toute cette situation. Je vais vous prier de patienter quelques instants, s'il vous plaît. Je vais voir ça avec un supérieur. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci. Vous la récupérez. Oui, je la récupère. Voilà, cette dame est... Elle est charmante. Vous voyez, je préfère 1000 fois qu'on tombe sur une personne comme ça qui a une fiche à lire et elle la lit bien, mais qui ne cherche pas à dire oui, mais je peux pas vous aider, ceci étant dit, mais est-ce que, voilà, elle va passer le supérieur, qui est le seul à pouvoir oui, faire. Oui, elle a été charmante, Julien. Elle m'a donné tous les détails du dossier depuis le mois de juillet. Il faut lui reconnaître cette transparence. Non, mais, ceci étant dit, rappelons quand même, et je le dis très honnêtement, qu'Air France est quand même une très grande compagnie, très, très sérieuse. Voilà. Mais ce qui est juste, je ne comprends pas ce qui a pu se passer au niveau de la comptabilité, de la gestion de ce problème pour que ça traîne autant. Mais je suis certain, Stéphane, que ça va s'arranger très rapidement. Il n'y a vraiment aucun souci. J'ai pris un vol Air France il y a un peu de temps, assez long. Vous savez, il y a des films et j'ai pas eu de chance parce que j'avais un petit bug. Ça, je vous le raconterai plus tard. Bernard ? La direction vient d'envoyer un texto, Julien, justement sur ce dossier-là en disant on prend les éléments en compte, on revient vers vous très très vite. Eh ben, c'est super. Stéphane, vous restez en ligne, on va revenir vers vous dans quelques instants, d'accord ? Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Stéphane ? Je vous écoute. Non, mais ça, je me doute. Mais ce matin, vous faisiez quoi ? Vous bossez ? Vous êtes à la maison ? Non, je suis retraitée. Oh, magnifique. Retraitée de quoi, Stéphane ? Ah, éducation nationale. Bon, ben c'est parfait. Vous voyez, c'est la journée du harcèlement. Vous avez été confrontée à ça, vous ? Vous voyez des enfants dans la cour, parfois ? Oui, ça arrive souvent, des enfants qui sont mis à l'écart. Mais il paraît que c'est chez les tout-petits, en plus. C'est ça qui est dingue. Ah oui, dès le CP, hein. Moi, j'ai vécu ça dès le CP. Un enfant surdoué, mis à l'écart, par exemple. Bon, eh ben écoutez, et alors dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites, vous ? C'est à vous, c'est le rôle des profs de prévenir les parents, l'établissement ? Oui, bah c'est surtout déjà une attitude à avoir vis-à-vis du groupe classe. D'expliquer aux autres que c'est pas bien de le faire. Voilà. Très bien. Voilà, tout à fait. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle pour vous, c'est que Air France va s'occuper de vous puisque la direction vient d'appeler directement Bernard Sabat. Alors, vous vous demandez certainement comment Bernard Sabat peut avoir sur son téléphone portable un mot de la direction, eh bien c'est 35 ans d'expérience qui sont payés aujourd'hui et récompensés. Beau, je ne pas brosser aujourd'hui. Ah, bravo. Et je n'ai qu'un mot à dire en ce qui concerne Air France. C'est ça. Air France. Et je l'aime. De pointe à pitre en France. A tout de suite sur l'antenne d'RTL. On va revenir aussi sur des cas qui ont bloqué, je suppose. Et faire un cas inédit. Ah non, vous avez raison, qu'est-ce que je raconte ? Il y a le super cas. Et il est énorme, ce cas. Oui, il est énorme. Non, c'est vrai, parce que acheter une... Est-ce qu'on peut juste lire, s'il vous plaît, l'annonce ? Vous allez bien comprendre. Vous avez envie d'acheter une maison, mesdames et messieurs, et vous voyez une annonce. Cette annonce dit, je la lis... T1 bis rénové avec garage et cour sur 34 mètres carrés habitables. Cette maison vous propose une pièce de vie avec coin cuisine, une chambre indépendante, une salle d'eau. Dis-donc, mais c'est un roman cette annonce. Attenant un garage aménageable et rehaussable, cour d'environ 100 mètres carrés. Et là, il y a, écoutez bien, marqué ceci. Très bon état. C'est même pas bon état, c'est très bon état. Ouverture, double vitrage, couverture, tuile, tout à l'égout. Habitable immédiatement. Eh bien, quand elle est arrivée, une fois qu'elle a payé, il y en a pour 30 000 euros pour pouvoir habiter dans cette maison, mesdames et messieurs. Alors là, il va falloir qu'à un moment donné, moi je veux bien qu'on dise « Oui, mais les agences ne sont pas responsables de tout. » Mais alors à quoi ça sert ? On attire le client en lui disant « C'est fantastique, tu pourras y habiter demain. » Et il ne peut pas. Donc on va appeler tout le monde et ça se passe dans une seconde sur RTL. Alexandre, client Netatmo. Quand on est médecin, les imprévus, ça fait partie du métier. Mais pour assurer le confort de ma famille, pas question d'improviser. Notre appartement est équipé d'un chauffage collectif et j'ai installé sur mes radiateurs des têtes thermostatiques intelligentes Netatmo. Depuis, c'est ambiance cocooning à la maison. Je peux choisir la température idéale pour chaque pièce. Ça me rassure de les savoir bien. Et avec les économies que je fais, je vais pouvoir encore plus les gâter. Comme Alexandre, choisissez Netatmo, des solutions de chauffage intelligentes pour allier confort et économie. En ce moment, jusqu'à 50 euros remboursés sur nos solutions de chauffage intelligentes. Conditions sur netatmo.com. Netatmo, votre maison plus intelligente, tout simplement. Passez une bonne journée avec RTL. 11h, 12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. On peut marcher sous la pluie, boire le thé à minuit ou même chanter du Puccini quand on s'aime. Surtout quand on s'appelle Alexandra Kurzak et Roberto Alagna. Ces deux immenses stars du bel canto sont les invités de la bonne heure. Et la bonne heure, vous le savez, c'est 11h sur RTL. À tout à l'heure. Picard. La pâte qui croustille. La douceur du chèvre frais. Les noix qui croquent. Et cette petite touche de miel. Je ne sais pas vous, mais moi, cette pizza, je l'aime passionnément. Réjouissez-vous, en ce moment, vos produits Picard préférés sont à moins 30% avec la carte Picard et moi, comme la pizza chèvre miel noix à seulement 2,63€, soit 6,57€ le kilo. Picard, chaque jour un goût nouveau. Produit élu par plus de 100 000 clients Picard, voire conditions en magasin et sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Ah, au fait, chérie, j'ai appelé le plombier pour la fuite. Tu sais, dans la cuisine. Quoi ? Mais enfin, c'est ridicule ! Je suis plombier ! Bah oui, mais t'es jamais là. Parce que les pros n'ont jamais de temps pour eux, Nissan leur facilite la vie avec une offre tout compris. Pendant le mois de l'utilitaire, profitez d'offres sans apport, avec garantie 5 ans, entretien et assistance inclus sur le pick-up Navara et toute la gamme utilitaire. Nissan, innover autrement. Jusqu'au 30 novembre, sauf ENV200 fourgon réservé aux professionnels, garantie constructeur 5 ans, 160 000 km, sauf ENV200. Entretien assistance 4 ans en crédit bail, détail Nissan.fr. Bon, j'ai compris. Pour l'assurance vie, tu me conseilles la France Mutualiste. Mais pour la voiture de mon fils, tu passerais par qui ? La France Mutualiste. Ils font les deux ? Oui, et ils comparent même les assurances pour ton appart, si tu veux. On est bien chez eux, alors. T'as tout compris. Avoir un conseiller en assurance mutualiste, c'est rassurant. Épargne retraite, auto, habitation, prévoyance, santé, La France Mutualiste, l'assurance d'un esprit de famille. Rendez-vous sur lafrancemutualiste.fr. La France Mutualiste. Groupe La France Mutualiste, mutuelle et intermédiaire d'assurance. Renault Occasion, c'est aussi de l'électrique. On voulait vous faire écouter ceci. Ce silence vous est offert par Renault Zoé d'occasion. 100% électrique, silencieuse et accessible à partir de 59€ par mois, hors location de batterie. Et avec l'aide à l'installation de la prise de recharge, tout le monde va passer à l'électrique. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2018. Conditions sur Renault.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous attaquons donc le cas de Géraldine. Géraldine, bonjour, soyez la bienvenue sur RTL. Bonjour. Alors Géraldine, sachez déjà que c'est Hervé Pouchol qui va s'occuper de vous. 35 ans d'expérience dans le monde de l'immobilier, car nous n'engageons des gens qui n'ont que 35 ans d'expérience. Alors racontez-nous, on a vu l'annonce tout à l'heure, Géraldine, vous la voyez en passant devant une agence immobilière. On a vu l'agence, on a vu l'annonce, vous l'avez vue en passant devant une agence immobilière ? Non, je l'ai vue sur Internet. Hein. Sur Internet. Et donc, elle vous met en confiance forcément cette annonce, puisqu'il est marqué « habitable immédiatement, très bon état ». Et vous avez signé, mais quand vous l'avez visité, vous n'avez pas pu voir qu'elle n'était pas en bon état ? Non. Qu'est-ce qui était ? Les peintures étaient impeccables. La seule chose que j'avais vue éventuellement était dans le garage et que j'avais notifié qu'en cas d'achat, je voulais réparation éventuellement d'une fuite ou que je pensais voir dans le garage au niveau du toit. Alors, pouvez-vous nous faire une liste rapide, hein, s'il vous plaît, qui justifie ces 30 000 euros de travaux ? Alors, en fin de compte, au départ, donc oui, je vous disais, j'ai vu le garage, mais qui est c'est un toit terrasse hein, qui est indépendant de la maison, mais accolé. Et la maison... Géraldine, soyons plus clairs. Faites-moi une liste. Il y a les peintures à refaire parce qu'ils ont planqué de l'humidité avec de la peinture. Dites-moi des choses comme ça que les auditeurs comprennent bien. La peinture, non, ça ne se voit pas. Mais en fin de compte, il va falloir enlever la totalité des deux toits parce que ça prend l'eau partout. D'accord. Donc le toit n'est pas étanche. Des deux. Donc en fin de compte, il faut tout enlever, refaire, rehausser aussi la charpente. Enfin, le mur, excusez-moi, la maçonnerie. Enfin, il faut tout refaire. D'accord, donc évidemment, il y aura le placo, l'électricité. Enfin, moi, je lui dis 30 000, mais en parlant que du toit, évidemment, il y en aura d'autres. Mais voilà, je trouvais qu'une maison, 4 murs et 200 mètres carrés, ça faisait très cher pour 89 000. Voilà. Bien sûr. Alors, l'originalité de ce dossier, Julien, c'est qu'effectivement... Grâce à cette annonce qui lui promet un bien parfait, lorsqu'elle visite, elle s'aperçoit qu'il y a une infiltration d'eau. Et devant l'agence, lors du compromis de vente, il est inséré une clause disant qu'effectivement, le vendeur s'engage à refaire l'étanchéité du toit terrasse. Et en fait, de réfection de cette étanchéité, ça a été un pur colmatage. Et depuis... Donc ça, c'est après qu'elle ait acheté ? Non. Juste avant qu'elle n'achète, le vendeur, dans l'agence immobilière, lors du compromis de vente, la promesse de vente, si vous voulez, dit « je m'engage à refaire ce toit-là pour que la fuite cesse ». Elle se présente ensuite devant le notaire pour signer, et là, eh bien, et le notaire, et l'agence immobilière, et le vendeur disent « on a fait des travaux, tout va très bien, madame, vous pouvez signer ». Elle signe et en fait, il se passe un orage. Il y a un expert qui vient et à l'occasion des réfections de ces inondations dues à l'orage, on découvre que le toit est entièrement pourri. Les charpentes sont totalement bouffées par l'eau et donc on en arrive à 30 000 euros de travaux. J'ai une règle d'or à vous demander. C'est parti. La règle d'or. Sur RTL. Une nouvelle fois, nous allons effectivement appeler peut-être le vendeur, mais nous appellerons aussi l'agence qui va nous dire « Ah ben nous, on publie une annonce en fonction de ce qu'on nous dit. Est-ce que c'est acceptable ?» Jamais. L'agence immobilière, comme d'ailleurs tous les professionnels, est tenue à une obligation de renseignement et de conseil. En indiquant et en se contentant de reproduire ce que lui dit le vendeur, elle a commis une faute puisque ce n'était pas conforme à la réalité et qu'en réalité, cette maison est affectée d'un vice caché et l'ennui dans cette affaire, c'est que visiblement, le propriétaire ne l'ignorait pas. On revient à une deuxième règle d'or. La règle d'or sur RTL. Je vais me permettre de me tourner vers Maître Novakovic. Vous voyez, là, on parle d'une somme de 89 500 euros. En rajoutant un petit billet de 1000 euros et en faisant venir un expert comme notre Sylvain Baron national, lui, pour 1000 euros, je suppose que c'est ça le prix, c'est peut-être 800, c'est peut-être 1200, je ne sais pas exactement. Mais l'expert, avant que vous achetiez, il vient et lui, vous ne lui faites pas. Le coût de la peinture qui cache un cache-misère, il le voit tout de suite. Tout à fait, Julien. Il est extrêmement important, lorsque vous achetez un bien qui, effectivement, n'est pas un bien neuf, de faire venir un expert qui verra, effectivement, s'il y a ou non des vis cachées. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous signez chez le notaire, très souvent, il y a une clause d'exonération où on marque qu'il n'y a pas, on ne pourra pas revendiquer le vice caché. Sauf, bien sûr, si la personne a volontairement caché le vice. Mais si elle ne l'a pas volontairement caché et qu'il y a vice caché, vous ne pouvez rien faire. Donc, il est d'autant plus important de faire venir un expert. Mais vous, Maître Félonneau, si, et ce n'est pas le cas, c'était votre client, vous assignez qui ? Tout le monde et le vendeur et l'agence ? Alors, j'assigne tout le monde, effectivement, mais surtout le vendeur, car encore une fois, Géraldine, elle a en face d'elle un vendeur assez particulier. Chaque fois qu'elle lui dit « il faut intervenir et faire une réparation », il dit « oui ». Et il envoie une entreprise. Mais cette entreprise, elle fait du colmatage. Et c'est ça qui ne va pas. Allez, nous allons nous occuper donc de ce vice caché. Géraldine, vous m'accordez quelques instants pour préparer tous les numéros. You ain't nothing but a hound dog. La toiture, répétez-vous tout. Elvis caché. Allez, à tout de suite sur l'antenne d'RTL. Le temps d'écouter maintenant, si vous le voulez bien. Écoutez, c'est Georges Ezra. Vous le connaissez ? Oui, très bien. Parce que lui, vous connaît très bien. Georges Ezra, qui chante Shotgun. C'est une nouveauté. Écoutez, j'ai écouté tout à l'heure, j'ai trouvé ça fantastique. 35 ans d'expérience dans la musique. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone, someone, someone, someone. C'est une nouveauté, c'est sur RTL. Nous lançons l'appel dans une seconde, Charlotte. Pour le cas de Géraldine qui achète une maison habitable immédiatement selon l'agence immobilière. Mais très rapidement, c'est la déconvenue, la charpente est à refaire. Pourquoi vous mettez l'appel aux morts derrière avec de la... C'était la fin du titre. C'était la fin de la chanson. Je croyais qu'on m'entend lancer l'appel aux morts avec les commémorations. Oui, alors vous disiez. Je disais que la charpente était à refaire entièrement et il y en a pour 30 000 euros minimum de travaux. L'agence est-elle responsable, le propriétaire? Il y a eu du colmatage, mais il y a tout à refaire. C'était un tout petit appartement dans lequel elle voulait vivre, un T1. C'était l'achat d'une vie aussi. Et aujourd'hui, la pauvre est un petit peu plantée. Il faut absolument la sortir de là. Il y aura un petit cas cuisine, un vieux cas, on ne lâche pas l'affaire. Et oui, on reviendra sur le dossier de Sophie qui a versé 1416 euros à un cuisiniste. Finalement, la commande n'a pas pu être honorée. Elle attend donc le remboursement de son acompte. Hervé Pouchol nous en dira un petit peu plus. 35 ans d'expérience dans la cuisine. Bien sûr. À tout de suite sur RTL. Monoprix. Tu sais que t'es pressé quand tu regardes un épisode sur deux de ta série pour arriver plus vite à la fin. Et tu sais que t'es vraiment pressé quand tu fais ton footing en même temps que tes courses parce qu'avec Monoprix, tu ne t'arrêtes même pas à la caisse. Grâce à l'appli Monoprix et moi, scannez vos courses avec le service coupe-fil Monoprix et payez directement dans l'appli. Et pour la première utilisation, 5 euros sont crédités sur votre carte. Monoprix, jusqu'au 31 décembre, voir conditions de la carte et de l'offre sur monoprix.fr. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites... Une fois que j'aurai changé la douche, le sèche-serviette, la robinetterie de ma salle de bain, je vais pas pouvoir m'offrir ma superbe double vasque. On vous répond, c'est le moment de tout changer. Jusqu'au 18 novembre, bénéficiez de 10 euros offerts en carte cadeau par tranche de 100 euros sur tout l'univers salle de bain à partir de 300 euros d'achat. Baignoire, douche, sèche-serviette, à vous de choisir. Une offre exceptionnelle pour réaliser la salle de bain de vos rêves sans vous priver. Leroy Merlin, et vos projets vont plus loin. Voir conditions en magasin. Renault Occasion, c'est aussi de l'électrique. On voulait vous faire écouter ceci. Ce silence vous est offert par Renault Zoé d'occasion. 100% électrique, silencieuse et accessible à partir de 59 euros par mois, hors location de batterie. Et avec l'aide à l'installation de la prise de recharge, tout le monde va passer à l'électrique. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2018, conditions sur Renault.fr. 1 euro le lot de deux versets netto, je sens que je vais encore trinquer. Eh bien non, jusqu'au 24 décembre, collectionnez les vignettes à chaque passage en caisse et recevez pour 1 euro seulement un lot de deux verres Leonardo. 1 euro les deux verres, bravo! Netto, le discounter qui fait la différence. Une vignette tous les 10 euros d'achat, 25 à 30 vignettes collectées pour un lot de deux verres, modalité et magasin participants sur Netto.fr. Et si on parlait Renault Service? Bonjour, c'est Monsieur Richard. Brrr, le froid arrive. Dites, pour que votre voiture passe bien l'hiver, vous n'allez quand même pas lui tricoter une couverture? Une maille à l'endroit, une maille à l'envers? Non, la solution, c'est le bilan sécurité hiver chez Renault Service. Et c'est le moment, il est offert. Voyez, inutile de vous mettre au point de croix. En plus, si vous deviez changer votre batterie, Renault reprend l'ancienne, 15 euros. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô? Allô? J'entends rien, il y a de la friture! Ah bah ça tombe bien parce que demain et après-demain chez Lidl, le filet de 2 kg de pommes de terre spéciales frites est à 1,79€. Moins d'1,80€ les 2 kg de pommes de terre spéciales frites! Ça fait 90 centimes le kilo! Et origine France, hein? Ah, oh, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, calibre 50-75, variété Atoll, Noix, Mélodie et Crône, traitement anti-germinatif après récolte, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des frais à collectionner dans votre supermarché. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL avec Géraldine, nous lançons les appels. C'est parti, nous commençons par le vendeur et ancien propriétaire de son appartement. Rappelez-nous Charlotte. Elle pensait avoir acheté une maison saine et solide, mais au premier orage, la maison est inondée et le constat est dramatique pour elle. Le toit est entièrement à refaire. Géraldine, si ça répond, je vous couperai la parole, mais je suppose que quand vous demandez au propriétaire des explications, qu'est-ce qu'il vous dit? Oh, qu'il n'était pas au courant. Mais pourtant, comme tout le reste, d'ailleurs. Donc, il faudra aussi peut-être appeler celui qui est venu... Allô? Johnny? Oui. Bonjour Johnny, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, Johnny. Je suis avec Géraldine, papa qui vous avait vendu, vous savez, cet appartement, cette petite maison. Oui. Et qui nous explique que malheureusement, toute la toiture serait pourrie, et malgré les colmatages qui ont été faits lors de la vente. Et aujourd'hui, elle est dans une situation un peu compliquée. Donc vous, vous aviez fait colmater, c'est ça? Lors de la... Juste avant la vente? J'ai fait faire, j'ai un avocat, normalement c'est en cours. C'est en cours de quoi, monsieur? En cours de procédure, elle a fait procédure avec un avocat, moi j'ai fait... Attendez, je vais lui demander, Géraldine, vous avez fait un procès? Non, j'ai pas fait de procès, j'ai fait une demande à l'amiable pour retrouver, puisque mes lettres n'avaient pas l'air de lui faire quoi que ce soit, j'ai demandé à une avocate de faire un courrier. D'accord, normal si vous avez envoyé un avocat, qu'il lui-même prenne un avocat, d'accord. Mais vous, monsieur, simplement, qui c'est qui a fait les travaux? Moi, je me suis arrangé pour faire les travaux, mais après, ça s'est vu avec... C'était vu... Oui, mais quel est le professionnel qui l'a fait? C'est pas un professionnel pour faire... On m'a pas dit de faire ça avec un professionnel. Déjà, j'ai pas passé à la radio. Hein. Donc c'est vous qui avez fait les travaux, monsieur? Oui, j'ai fait les travaux, ouais. D'accord, mais vous, c'est votre métier? C'est juste... Non, c'est pas mon métier. J'ai fait avec un ami qui est du métier et c'était pas la toiture qui mais prend. Mais est-ce que... Parce que si on fait jouer... On n'a pas touché à la toiture qui prend. On a fait le toit-terrasse. C'est pas la même chose. D'accord, mais si on fait jouer les assurances, etc., suite au procès, votre ami l'a fait officiellement avec une facture, etc., ou... Non, on a fait ça tous les deux. On a fait ça tous les deux. D'accord. Donc il n'y a aucune assurance qui pourra couvrir les travaux. Non, bien sûr. Et c'est pour ça que voilà. Donc elle m'a envoyé un courrier de son avocat. Moi j'ai pris un avocat qui a envoyé normalement un courrier à son avocat depuis 3 semaines. Et là j'attends des nouvelles de mon avocat ou du sien. Parce que j'attends des nouvelles. C'est pas une nouvelle. Géraldine, vous avez eu des nouvelles de votre avocat, vous? Non, mais j'ai laissé en stand-by parce que moi, j'avais pas envie de... Géraldine, ça se passe pas comme ça. Non. Malheureusement, je suis obligé. Géraldine, s'il vous envoie une lettre d'avocat, vous devez lui répondre, Géraldine. Vous pouvez pas dire ça se passe pas comme ça. C'est pas vous qui décidez de la façon dont ça se passe, Géraldine. J'ai téléphoné à mon avocate, enfin, du moins, elle m'avait donné le retour. Mais est-ce que vous savez, est-ce qu'elle lui a répondu, Géraldine? Bien sûr, ils ont répondu que... Mais il a rien. Ils voulaient bien, en fin de compte, réparer le toit terrasse, mais ça, en aucun cas, il parle de la maison qui prend l'eau de partout, et je ne peux pas habiter cette maison, donc le problème n'est pas réglé. Bon, ok, monsieur, en tout cas, merci de nous avoir parlé, pour qu'il n'y ait pas de bêtises dites à l'antenne. Je vais appeler mon avocat de suite. Oui, allez-y. Alors, Maître Fellonneau. Oui, en réalité, dans cette affaire, ce qu'il y a, c'est que le vendeur a toujours été d'accord pour faire des travaux, mais que les travaux, au fur et à mesure qu'ils ont été faits, ont permis de faire des investigations et de découvrir que le toit était gravement endommagé. Et donc, c'est cette réfection totale. Dites-moi, monsieur, si je me trompe, mais il paraît que vous refusez de la faire en disant que ça va au-delà vos engagements. Ah oui, bah oui, là, en fait, parce qu'on n'a pas, on parle pas du toit de terrasse. En fait, il y a deux parties. L'engagement au niveau du toit de terrasse du garage, qui était en grand dans la signature, qui était obligatoire devait faire. Et on n'a jamais parlé de refaire le toit de la maison sur la vente au niveau du notaire. Donc moi, j'attends des nouvelles de mon avocat, que je vais appeler tout de suite. Je vais appeler aussi ma notaire. Je vais appeler, voilà. Donc je vais voir ça, hein, parce que passer à la radio en plus, ça, c'est encore plus. Donc je vais voir ça tout de suite. Ok, hein. Monsieur, il n'y a aucun souci. En tout cas, nous, comme nous faisons le dossier ce matin sur la radio, je me devais absolument de vous donner la parole pour que vous puissiez nous donner votre version des faits, afin de ne pas dire n'importe quoi, puisque Géraldine nous dit qu'elle a acheté une maison sur laquelle il est marqué habitable. Attendez, laissez-moi finir, monsieur, je vous ai laissé parler. Elle a acheté une maison, elle, sur laquelle il est marqué très bon état de l'agence, très bon état, ouverture, double vitrage, couverture tuile, tout à l'égout, habitable immédiatement. Or, elle vient, elle s'aperçoit qu'il y a des petits soucis. Maintenant, la maison n'est pas habitable puisque la toiture, d'après un expert, mais qui s'est peut-être trompé, est pourrie. Et vous nous avez dit, et il faut me contredire si je dis une bêtise, que les travaux, vous les avez fait vous-même avec un copain, mais qu'il n'y a rien d'officiel, il n'y a pas d'assurance qui pourrait jouer puisque votre copain vous a donné un petit coup de main. Ouais, parce que ça, c'est que sur la partie toit-terrasse. Okay. Où est un attaque, c'est sur la partie d'une maison qui date de, je sais pas, 40-50 ans, d'un ancien garage avec un monopente avec une très faible pente. Ça, elle était au courant quand elle l'a acheté, vu le, ça se voit, quoi. Voilà, un monopente. Non, mais monsieur, peut-être que c'est pas vous le responsable. Elle a acheté une maison habitable qui n'est pas habitable, donc aujourd'hui, voilà. Oui, c'est normal. En fait, je veux dire franchement, je l'aurais pas vendu si j'aurais su que c'était comme ça. En fait, c'est quand il y a eu le dégât, un fort orage par chez nous le 11 juin exactement. Donc, vu que c'est une monopente, c'est passé par en dessous. Et moi, j'ai eu des locataires dedans depuis 2010 et j'ai jamais déclaré de sinistre. Donc voilà. Ok. Aussi. Maître Fellonneau. Ah. Alors justement, monsieur, vous parlez des locataires. Et ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que Géraldine en a croisé un. Hein, et quand elle lui a dit bonjour, elle lui dit « Ah, vous venez parler de la maison avec les inondations et l'eau qu'il y a dedans ». Visiblement, d'après ce locataire, ah bon, vous êtes au courant que cette maison prend l'eau depuis longtemps. Ah ben bah non, j'aurais bien aimé le savoir parce que tout va, vous voyez. Qui est ce locataire, Géraldine? Comment? Qui est le locataire en question? Ben la locataire, c'était Romane. Alors on va l'appeler Romane. Alors. Ouais. D'accord. Ok. Ben non, laissez tomber. Ben, je connais. Et alors, elle vous a jamais prévenu d'inondation, Romane? Non. Bon. On a eu des courriers ensemble, comme quoi il y avait de l'humidité, et ça avait été déclaré aussi au niveau de l'agence immobilière. Ah, elle vous a dit quand même qu'il y avait de l'humidité. Ah, l'humidité, mais c'était des jeunes, et il y a très bas de plafond, et quand vous passiez, il n'y avait pas de chauffage, et il n'y avait jamais la VMC. Ils coupaient la VMC pour faire des économies d'énergie. Bon, allez, vous avez dit ça sur tous les locataires, et en fin de compte, il pleuvait même par les toits, ils mettaient des assiettes là où ça goûtait partout dans la maison. C'est bizarre, j'ai jamais eu ça, et je suis même passé voir mon agence immobilière qui est capable de me faire un courrier comme quoi eux, ils n'ont jamais eu de déclaration de sinistre. Alors, ce que je vous propose, monsieur, là, on doit marquer une toute petite pause, vous pouvez raccrocher si vous voulez, mais sinon, on appelle l'agence immobilière, et comme ça, on va voir avec eux pourquoi ils ont dit que cette maison était habitable. À tout de suite sur RTL. Voilà, moi, je raccroche, j'ai appelé mon avocat. Ça marche. Merci beaucoup, monsieur. En tout cas, vous avez pu vous exprimer sur l'antenne d'RTL. C'est ce que nous souhaitions, nous donner votre version des faits. Merci, monsieur. Ah, au fait, chérie, j'ai appelé le plombier pour la fuite. Tu sais, dans la cuisine. Quoi? Mais enfin, c'est ridicule. Je suis plombier. Bah oui, mais t'es jamais là. Parce que les pros n'ont jamais de temps pour eux, Nissan leur facilite la vie avec une offre tout compris. Pendant le mois de l'utilitaire, profitez d'offres sans apport, avec garantie 5 ans, entretien et assistance inclus sur le pick-up Navara et toute la gamme utilitaire. Nissan, innover autrement. Jusqu'au 30 novembre, sauf ENV200 fourgon réservé aux professionnels, garantie constructeur 5 ans, 160 000 km, sauf ENV200. Entretien assistance 4 ans en crédit bail, détail Nissan.fr. Jusqu'au 22 novembre 2018, c'est l'opération Collect Box dans votre boutique Carré Blanc. Chaque kilo de linge de maison usagée que vous rapporterez se recycle en bon d'achat Carré Blanc de 10 euros. C'est gagnant pour la planète et pour votre budget. Carré Blanc, éditeur de linge de maison, révélateur d'inspiration. Voir conditions dans les boutiques participantes et sur carréblanc.com. Collect Box égale boîte de collecte. Pendant ce temps chez Renault, ah, top ! Là, c'est l'effet que cela fait d'estimer la valeur de votre voiture très facilement, rapidement et gratuitement sur Renault.fr, quelle que soit sa marque. Waouh ! Et là, c'est quand vous apprenez qu'en plus, Renault vous offre jusqu'à 5 500 € en plus de la valeur de reprise de votre véhicule pour l'achat d'un véhicule neuf. Jusqu'à 5 500 € en plus de la valeur de reprise pour l'achat d'un Renault Espace neuf du 1er novembre au 31 décembre 2018, estimation finalisée en concession. Offre non cumulable réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Bonjour, parlons de franchise. Vous qui êtes déjà dans l'immobilier ou pas, je vous propose d'ouvrir votre agence Stéphane Plaza Immobilier, la vôtre, avec moi. Comme ça, on profite ensemble de mon savoir-faire et de l'avenir. Si vous partagez ma vision de l'immobilier, professionnelle et un peu décalée, faites comme les 380 entrepreneurs qui font déjà partie de l'aventure. Rejoignez-moi sur stéphaneplazaimmobilier.com. Le réseau Stéphane Plaza Immobilier élu par l'IREF, Grand Prix de la franchise et du partenariat 2017. Vous êtes en voiture. Comme 70% des automobilistes, vous écoutez la radio en roulant. Comme 100% des automobilistes, vous trouvez que le carburant est trop cher. Mais Carrefour lance une opération exceptionnelle. Les jours carburant. Le carburant à prix coûtant jusqu'au 20 novembre dans vos hypermarchés Carrefour. Car chez Carrefour, nous sommes à 100% pour votre porte-monnaie. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors GPL et E85, conditions et magasins participants sur carrefour.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Moi, je suis moi-même au fil, je fais tout moi-même. Les fleurs, c'est moi. Ah, j'ai la main verte, ça pousse. Bon, la dernière fois, on voyait même plus la maison. Hein. Il m'a fallu 3 heures pour la retrouver. Non, le jardin, c'est moi. Et Gamme Vert. Eh oui, produire soi-même avec Gamme Vert, ça change tout. Et jusqu'au 18 novembre, c'est l'opération coup de pouce chez Gamme Vert. Avec votre 3e sac offert de terreau plantation fertiligène de 60 litres. Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous appelons tout de suite l'agence immobilière, c'est parti, car là aussi, il faut vraiment leur demander. Bienvenue dans votre agence Century 21. On ne peut pas, vous voyez, faire des campagnes de communication en disant on vous accompagne, on garantit votre bien et tout, si on met une annonce disant que tout va bien. Et... Allô? Non, il n'y a personne, ça a raccroché. Ah bon? Oui, ça a raccroché. Mais c'est pas normal. Eh non. Il va falloir rappeler. Allez, on y retourne. On rappelle Century 21. Bienvenue. Century 21 pour Saint-Martin, bonjour. Bonjour madame, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce qu'éventuellement je pourrais avoir un interlocuteur, peut-être Delphine, c'est vous ? Non, mais c'est à quel sujet ? Alors, je vous explique. Il y a Géraldine Papin qui a acheté chez vous un petit appartement suite à une agence qui dit que l'appartement est en très bon état, double vitrage, couverture tuiles, habitable immédiatement. Or, il se trouve que la toiture est complètement pourrie puisqu'un expert est passé et que ça a été plus ou moins rafistolé. Et nous avons eu d'ailleurs le propriétaire qui a vendu qui a reconnu humblement que c'est lui qui avait fait les travaux alors qu'il n'est pas du métier. Donc aujourd'hui, elle dit, moi j'ai fait confiance. C'est vrai qu'elle est passée devant une annonce, qui est très claire, hein, qui dit vraiment... très bon état, ouverture, double vitrage, couverture tuile, tout à l'égout, habitable immédiatement. Et elle ne peut pas y habiter. Donc comment peut-on faire dans ces cas-là ? C'est la référence 14923. Ah. On vous souhaite une bonne journée à vous aussi, madame. Voilà, qui doit... C'est raccroché ? Ça a raccroché, oui. Non ! Oh non ! Si. Alors, on rappelle Century 21. Bah, dis donc, Century 21, il ne plaisante pas. Je pense qu'on va peut-être, en parallèle, appeler le siège directement. Bienvenue. Hervé est en train de le faire, Julien. Très bien. Merci, Hervé. Oui, parce que là... Merci de votre patience. C'est quand même fou, ça. Nous allons très vite vous répondre. Mais c'est un peu la vie, quand on dit qu'on est le miroir de ce que vous vivez au quotidien. Allô ? Oui, allô ? Century 21 ? Oui. Bonjour monsieur, Julien Courbet, on vient de me raccrocher au nez à l'instant en direct sur l'antenne d'RTL. J'avais une jeune fille qui visiblement n'avait pas envie d'entendre ce que je lui disais et qui a mis court à la conversation. Puis-je vous parler monsieur ? Je vous écoute. Nous sommes donc en direct sur RTL, je vous le redis. Géraldine Papin est passée devant votre agence et a vu une annonce. Elle a acheté l'appartement, l'annonce disait « très bon état » concernant un T1 bis, « très bon état ». Couverture tuile, tout à l'égout, habitable immédiatement. Or, il se trouve que la toiture est complètement à refaire, elle ne peut pas y habiter, puisque la toiture est vraiment pourrie. Un expert est venu, il y a eu un peu de, entre guillemets, un cache-misère qui a été fait, et qui n'a pas été fait d'ailleurs par un artisan professionnel, puisque le propriétaire vient de nous dire sur l'antenne d'RTL que c'est lui-même qui avait fait ses petits travaux, qu'il s'était engagé à faire juste avant la vente. C'est la référence de l'annonce 14923. À qui peut-on parler, s'il vous plaît ? Alors, de toute façon, ça, ce sont des affaires qui remontent directement par Century France. Donc, c'est à Century France qu'il faut s'adresser. D'accord. Nous avons fait, de toute façon, notre travail d'agent immobilier, si vous voulez. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des experts Je connais ce dossier. Hein, nous ne sommes pas des experts en matière de toiture. Hein, nous ne sommes pas couvreurs. Donc, nous, on vend un bien en l'état. Mais monsieur, dans ces cas-là, si vous n'êtes pas... Je vous en prie. Laissez-moi finir, parce que sinon, effectivement... Je vous en prie. C'est un monologue. Ce dossier, donc effectivement, il y a eu une vente. Le propriétaire qui a vendu la maison n'avait fait l'objet d'aucun sinistre. Il était propriétaire de mémoire depuis 8 ans à peu près du bien. Aucun sinistre responsable. Donc il n'y avait pas de quoi nous alerter sur. Donc quand vous marquez très bon état, monsieur, en fait, vous n'en savez rien. Ah ben, monsieur, nous, il y a des diagnostics qui sont faits. Nous, on fait... Vous avez un diagnostic de toiture sur cette maison ? Monsieur... Non, dites-moi juste, est-ce que vous avez un diagnostic de toiture sur cette maison qui vous justifie que vous mettez très bon état ? Non, mais comme dans tous les... Dans toutes mais les pourquoi ventes, vous mettez très bon état, pas, monsieur ? Ben parce que la maison était en bon état. Ah, et la preuve, la toiture est pourrie, il faut la refaire. Ben écoutez, monsieur, moi, je ne peux que vous engager... Eh ben, c'est ce qu'on va faire, on va appeler la direction, ça marche. Voilà. Bon, donc on est bien d'accord que quand il y a marqué très bon état, monsieur nous dit, nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans la maison, mais on marque quand même très bon état. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi vous marquez très bon état si la toiture est pourrie, monsieur ? Monsieur Courbet, comment dirais-je, votre réputation n'est plus à faire pour coincer, effectivement... Je ne coince personne, monsieur, je vous pose une question. Mais je le connais aussi bien que vous, monsieur. Je vous pose la question, pourquoi mettez-vous très bon état si vous me dites je ne connais pas l'état de la maison. Monsieur, faites appel directement, effectivement, à notre siège. On appelle le siège dans une seconde. Merci en tout cas de m'avoir répondu, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Voilà, mais on a bien entendu quand même que ce monsieur a dit on ne connaît pas l'état de la maison. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Est-ce qu'il y a eu une expertise de la toiture, monsieur ? Est-ce qu'il y a eu une expertise de la toiture, monsieur ? Est-ce que quand on vend une maison, il y a une expertise systématique d'une. Alors pourquoi vous mettez très bon état, monsieur ? Dites-moi, répondez à ma question, pourquoi vous marquez bien très bon état ? Monsieur Courbet,